Exercice 51. Lisez les questions. Écoutez l'enregistrement, puis répondez. Vous êtes en vacances en France. Vous entendez cette information à la radio. Mardi 4 février, il est 7h35. Bonjour. Il a beaucoup neigé cette nuit à Lyon. Il y a 15 à 20 cm de neige sur les routes. Ne prenez pas vos voitures aujourd'hui. Certaines lignes de bus ne circulent pas, mais toutes les lignes de métro fonctionnent. Si vous voulez plus d'informations sur les bus dans Lyon, allez sur le site www.lyontransport.fr. Pour plus d'informations sur la météo, appelez le 04 72 18 20 34.